بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله متخشى خريسار. Aujourd'hui, le lundi 23 شوال 1441 de l'Hégire, correspondant au 15 juin 2020. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de poursuivre ensemble notre lecture dans le livre de l'imam Ibn Kathir rahimahullah qui s'intitule Al-Fusul fi Sirati Rasul. Donc on s'était rendu à la partie dans laquelle l'imam Ibn Kathir rahimahullah nous a parlé des différentes preuves de la véracité de la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et on a vu que la plus importante et la plus grande des preuves de sa véracité sallallahu alayhi wa sallam et la véracité de sa prophétie, c'est le Qur'an al-Azim. Le Qur'an al-Azim. Et on a vu également que l'imam Ibn Kathir, dans ce chapitre, il a cité des signes de la véracité de la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de plusieurs catégories. Et on s'était rendu à la catégorie dans laquelle il informe de choses qui font partie de l'invisible et du futur, et ils se produisent exactement comme il a informé. Alayhi salatu wassalam. Avant de lire ce que l'imam Ibn Kathir, rahimahullah, a cité, il est important de faire quelques rappels en lien avec Tawhid, qui concerne la connaissance de l'invisible. Car ici, on va voir que le Nabi alayhi salam, il informe de choses qui vont se produire à l'avenir. Et ça se produit exactement comme il a dit, sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que cela est une preuve qu'il connaît l'invisible de manière absolue, alayhi salatu wassalam? Allah Azza wa Jal a dit dans Surat al-Jinn, il a dit Alimul ghaybi fala yuzhiru ala ghaybihi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. Dans le sens approximatif, c'est lui qui connaît l'inconnaissable, al-ghayb, l'inconnaissable ou le monde de l'invisible, et il ne dévoile ses secrets à personne. Yani, il n'y a que Allah qui connaît ce monde de l'invisible, l'inconnaissable. Ça, c'est la règle de base. Dans ce domaine. Et les textes par rapport à ça sont très très nombreux. Et ça, c'est un fondement chez Al-Sunnah wal-Jama'a. Qu'il ne connaît le ghaïb que Allah subhanahu wa ta'ala. Et les exceptions, c'est avec des dalils. Mais sinon, la règle, c'est que personne ne connaît l'inconnaissable, ou le ghaïb. Après le ghaïb, il est de deux catégories. Un ghaïb, ce que les savants appellent ghaïb nisbi. Et l'autre, il s'appelle ghaïb mutlaq. On commence par le ghaïb mutlaq. « الغيب المطلق c'est celui qui est absolu. Et celui-là, il n'y a personne qui le connaît excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a personne qui le connaît excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et la deuxième catégorie, c'est ce que les savants appellent al-ghayb al-nisbi. C'est également un ghayb, mais il est relatif. Il est relatif. Moi, je le connais pas, mais peut-être toi, tu le connais. Par exemple, ce que tu as mangé hier. Ou pour prendre des exemples meilleurs, combien de versets du Coran t'as mémorisé hier dans la mosquée? Allah Moussa'al, nous, on a tendance toujours les exemples avec manger, boire et dormir. Qu'Allah nous pardonne. Mais sinon, les hommes de science, ils font attention, même dans les exemples, ils choisissent des exemples qui ont des bons sens. Donc, Allah Azzawajal, dans le sens, je continue le sens approximatif des versets, c'est lui qui connaît l'inconnaissable, le ghaib, et il dévoile ses secrets à personne, excepté à ceux qu'il aura agréés comme messagers, et qu'il fait escorter au devant d'eux et derrière eux, par des gardiens aux aguets. Ensuite, Allah Azzawajal a dit dans le sens, afin de savoir s'ils ont transmis les messages de leur Seigneur, ils cernent de sa connaissance tout ce qu'ils détiennent, et dénombre toute chose, subhanahu wa ta'ala. Donc là, Allah Azzawajal nous cite une sagesse pour laquelle il peut informer un de ses messagers d'une chose de l'ghaib. Une chose de l'ghaib. C'est pour, ça peut être un signe pour montrer la véracité de sa prophétie. Ça, c'est parmi les sagesses. Donc, le ghaib, il n'y a que Allah qui le connaît. Et il peut le faire savoir, une partie, pas la totalité. Il n'y a personne qui connaît le ghaib dans sa globalité, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il informe qui il veut de ses créatures, d'une partie de le ghaib, pour une sagesse. Pour une sagesse. Et ça, c'est un point extrêmement important à connaître dans le domaine du tawhid. Qu'il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît l'invisible. Et le ghaib. Et quand il fait savoir ça à une de ses créatures, c'est parce qu'il y a une sagesse. Comme Allah azzawajal a ordonné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire aux gens, il lui a dit, قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. Allah عز وجل lui dit, صلى الله عليه وسلم, de dire aux gens, je ne vous dis pas que je détiens les trésors d'Allah, ni que je connais l'inconnaissable, al-ghayb. Je ne vous dis pas non plus que je suis un ange. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Et dit, en plus, l'aveugle et le voyant se valent-ils? Pourquoi n'essayez-vous pas d'y réfléchir? Pourquoi n'essayez-vous pas d'y réfléchir? Donc Allah Azza wa Jalla, regardez, il ordonne à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire explicitement, je ne connais pas le ghaib. Donc, le Nabi Rasulullah ne connaît pas le ghaib. Ça, c'est la règle de base. Et les dalils sur ça sont extrêmement nombreux dans le Coran et dans la Sunna. Si on veut prendre déjà des exemples de ce qu'on a vu dans Sira, tout ce qu'on a vu dans l'histoire de la calomnie dont elle a été victime, notre mère, la pure, la sainte, Aïcha radiallahu anha, le Nabi Rasulullah est resté un mois. Il savait pas exactement ce qui s'est passé. Malgré qu'il pensait tout le bien de son épouse. Mais il n'avait pas des éléments. Car elle a été accusée dans son honneur, radiallahu anha, Et c'est une accusation à l'égard du prophète, alayhi salatu wassalam, également. Et il est resté un mois jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé ces versets de Sourate Nour, dans lesquels il a innocenté la mère des croyants, et celui qui ne la prend pas comme une mère, alors il ne fait pas partie des croyants, car elle est la mère des croyants et non pas la mère des mécréants. Radiallahu anha, la pure, la sainte Aïcha, la plus aimée des gens au cœur du prophète alayhi salatu wassalam. Et le Nabi alayhi salatu wassalam, il a combattu ce genre de croyance pendant son vivant. Une fois, il a entendu une petite servante, une jariya, parmi l'ansar, yani une petite fille, qui disait, وَفِينَا نَبِيٌ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ. Elle chantait et elle disait, et il y a parmi nous un prophète qui connaît ce qui se passe dans le lendemain. Le Nabi Sallam l'a interpellé et lui a dit, il ne connaît l'invisible que Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne connaît l'inconnaissable ou l'invisible ou le ghaib que Allah subhanahu wa ta'ala. Et le ghaib, c'est pas forcément l'avenir et le futur. Ça fait partie de le ghaib. Et c'est justement un ghaib. Yani, ça peut être un ghaib pour moi, mais c'est pas un ghaib absolu. Par exemple, Allah Azza wa Jal, il informe ses anges de ce qui va se passer dans la nuit du destin, de ce qui va se passer dans toute l'année. Donc c'est plus un ghaib absolu. Il est sorti du rêve absolu car il y a des anges qui savent également. L'ange de la mort, il a les noms de toutes les personnes qui vont décéder cette année depuis cette Laylat Qadr jusqu'à Laylat Qadr prochaine. Allah al-Musta'an. Ça, c'est un excellent rappel. Peut-être que notre nom a été déjà déclaré, que notre âme sera prise avant l'arrivée de Laylat al-Qadr prochaine et nous on continue encore dans les péchés. Mais sinon, le ghaib, de manière générale, comme règle de base, il n'y a personne qui connaît le ghaib excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal a ordonné également à son prophète, alayhi salatu wassalam, il lui a dit, قل لو كنت أعلم الغيبة قل لو كنت أعلم الغيبة لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. Il lui a dit de dire, si je connaissais l'inconnaissable, le ghaib, j'aurais multiplié le bien et je ne serais point touché par le mal. Mais il était éprouvé, alayhi salatu wassalam, il était touché par les épreuves, par les difficultés, alayhi salatu wassalam. Donc tout ça, ça démontre que le Nabi alayhi salatu wassalam ne connaît pas l'invisible. Et les textes, comme je vous ai dit, sont extrêmement nombreux dans le Coran et dans la Sunna. وَلَوْ كُنْتُ عَفْوًا. Je corrige le verset, je vais dire, وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءِ. Il n'y a pas قُلْ. Il n'y a pas قُلْ. Il y a directement لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءِ. قُلْ, c'est au début. قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءِ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ. Dans la traduction approximative du sens de ce verset, Allah Azza wa Jalla dit encore à son prophète alayhi salatu wassalam de dire, je ne possède pour moi-même ni le pouvoir de m'assurer un profit, ni celui de me préserver d'un tort. Il ne possède pas ça pour sa propre personne, alayhi salatu wassalam. comment il peut le posséder pour les gens et pour autrui. Sallallahu alayhi wa sallam. Si ce n'est ce que Allah veut, et si je savais les secrets de l'inconnaissable, Ghaib, j'amasserai d'abondantes richesses et aucun mal ne m'atteindra. Je ne suis rien de moins qu'un prophète venu avertir de la voie malheureuse et annoncer l'heureuse issue à des gens qui croient. Regardez comment c'est explicite. Et pourtant on trouve, surtout dans certaines sectes égarées telles que Soufia et Rafida et autres, on trouve des gens qui croient que autre qu'Allah connaît l'inconnaissable. Et ça fait partie des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a que lui qui connaît l'inconnaissable. Et ça fait partie également des choses qui font partie des choses à connaître et que personne n'est excusé d'ignorer. Tu vas chez un devin, il te dit, demain il va se passer ça et ça et ça, tu crois en ce qu'il t'a dit, t'es sorti de l'islam. Wal'iyadu billah. Parce que tu lui as attribué une caractéristique propre à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça le sorcier, le devin, même s'il te dit que demain se passera ça, et ça se passe comme il a dit, alors tu diras qu'il a menti. كَذَبَ السَّاحِرُ وَلَوْ صَدَقْ. Le sorcier a menti, comme bien même ça s'avère vrai. Car il ne connaît pas l'invisible. Il peut, يعني, deviner une chose et ne pas avoir la certitude, comme il peut s'appuyer sur une parole que les shayatins lui ont pris du ciel. Et il rajoute à ça sans mensonge, comme c'est rapporté dans le hadith. Donc ça, c'est un domaine extrêmement important à bien connaître et à maîtriser, et ça fait partie de tawhid. Donc tout ce qui est rapporté dans ce chapitre, c'est des choses qu'Allah Azza wa Jalla a fait savoir à son noble prophète alayhi salatu wa salam pour plusieurs sagesses. Ensuite, l'imam Ibn Kathir rahimahullah a commencé par énumérer ces points qui sont en lien avec des choses de l'invisible. Donc il a dit premièrement que le Nabi alayhi salatu wa salam a informé qu'Allah Azza wa Jalla allait triompher sa religion et que sa parole allait devenir la plus élevée, la plus haute, et qu'il permettra à ceux qui ont cru et qui ont pratiqué les œuvres pieuses de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'avoir la domination sur la terre. Et c'est ainsi que ça s'est produit, comme il a dit subhanahu wa ta'ala, comme Allah Azza wa Jalla nous a informé. Donc ici l'imam Ibn Kathir, il fait allusion à un verset dans lequel Allah Azza wa Jalla dit وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Allah promet à ceux parmi vous qui ont cru et ont accompli les bonnes œuvres qu'il fera d'eux des héritiers sur terre comme il a fait des héritiers de ceux qui les ont précédés. Il renforcerait la religion qu'il a agréée pour eux et changerait la crainte qui était la leur auparavant en sécurité, car il m'adore, c'est-à-dire il adore Allah, et rien ne m'associe. Quant à ceux qui après cela se montrent ingrats, ceux-là sont les pervers. Donc cette promesse d'Allah Azza wa Jal qui est rapportée dans le Coran et qui nous a été transmise par le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, elle s'est produite exactement comme Allah Azza wa Jal a promis. Et regardez comment l'islam a commencé avec un seul homme, et en laps de temps extrêmement court, il a dominé la péninsule arabique, يعني même pas une vingtaine d'années, il a dominé la péninsule arabique pour se propager dans le monde en entier. Et que ces musulmans, comme ils les appelaient les Perses et les Romains avant l'islam, dans la période anti-islamique, ils les appelaient les chiens du désert. Ils n'avaient aucune valeur pour eux. C'est pour ça qu'ils n'ont jamais essayé de les conquérir. Mais quand Allah leur a donné cette religion et ils s'y ont attachés comme Allah aime et agrée, et ils ont suivi ce messager, alayhi salatu wassalam, ils ont détrôné les grands rois et les empereurs de la terre, à commencer par les Romains et les Perses. Et donc ça, c'est la promesse d'Allah Azza wa Jalla qui a été accomplie. Et elle sera toujours valable pour nous également, à la même condition qu'il leur a été exigé à eux. Écoutez le verset. وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ. Donc Allah a promis à ceux parmi vous qui ont cru, عَقِيدَ صَحِيحَ, qui ont la foi authentique, qui ont une croyance authentique, pas la croyance de l'Asha'ira, ni la croyance de l'Maturidiyya, ni la croyance de l'Mu'tazila, ni l'Jahmiyya, et ainsi de suite parmi les croyances égarées, qui ne sont pas conformes à la croyance de Al-Sunnah wal-Jama'a, la croyance qu'avait le prophète alayhi salatu wassalam et ses compagnons, par rapport à tous les domaines de la religion. Donc, premier point, c'est ceux qui ont cru et qui ont une croyance authentique, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, et qui ont accompli les œuvres pieuses. Les bonnes œuvres, les œuvres pieuses, c'est quoi les œuvres pieuses? C'est les œuvres qui sont faites sincèrement pour Allah, conformément à la sunna du prophète Aïssa. L'islam, c'est très simple. Mais malheureusement, la majorité des musulmans ne l'ont pas compris encore aujourd'hui. D'où l'importance de da'wah, et d'où l'importance de propager l'ilm, et de commencer par le plus important. C'est pas obligatoire de rentrer dans des détails minutieux qui ne concernent qu'une faible partie de la Ummah et de négliger les bases et les fondements de l'islam que beaucoup de musulmans ignorent aujourd'hui sur terre. Donc, ceux qui ont cru, une croyance authentique et accompli les bonnes œuvres dans lesquelles il y a la sincérité et le suivi. La sincérité pour Allah, le suivi du prophète alayhi salatu wassalam. Comment être sincère sans science? Est-ce que cela c'est possible? L'imam Shafi'i a dit, il ne connaît l'ostentation qu'un homme sincère. Donc la sincérité nécessite l'ilm, la science. Connaître Allah, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Et plus tu connais Allah, plus tu seras sincère. Plus tu vas le craindre et plus tu vas être sincère. Quand tu connais Allah et tu connais les créatures, comment ça, c'est possible que tu vas œuvrer pour une créature? T'es devant Allah, tu cherches pas à parfaire ta salat. Une créature te regarde, t'améliores ta salat, tu cherches à la perfectionner. C'est que tu connais pas le statut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et t'estimes pas Allah à sa juste valeur subhanahu wa ta'ala. Tu connais pas sa grandeur et sa majesté. Tu connais pas sa mansuétude, sa avama, subhanahu wa ta'ala. Donc à cela, Allah Azza wa Jal leur a promis de faire d'eux des héritiers sur terre, comme il l'a fait avec ceux d'avant eux qui avaient vérifié ces conditions. Et il leur a promis de renforcer leur religion, la religion qu'il a agréée pour eux, l'islam, la soumission à Allah. Et il changera leur crainte par la sécurité. Et tout ça, ça a été accompli pour les compagnons et les générations qui sont venues avec eux, après eux, jusqu'à ce que les musulmans ont commencé à faiblir, à s'éloigner de leur religion. Avant, la personne ne pouvait même pas quitter sa tribu sans être armée et يعني de craindre de se faire attaquer par les tribus voisines. Et avec l'islam, la femme, elle sortait, يعني, ça a été cité dans le hadith comme un exemple. Elle sortait en faisant un long voyage, sans rien craindre pour sa sécurité. وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. Voilà la condition, mes frères. Ils m'adorent sans rien m'associer. Tawhid pur. Vouer un culte exclusif pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la condition de cette promesse de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également, le prophète عليه الصلاة والسلام a informé que les Romains allaient vaincre les Perses en laps de quelques années. Allah عز وجل n'a pas cité le nombre d'années. Mais il a dit, comme dans Surat Rome, que les Romains allaient vaincre les Perses après leur défaite, après la première défaite des Romains contre les Perses, qu'ils allaient vaincre par la suite en laps de quelques années. Alif lam mim. Ghulibat ar-Rum fi adna al-ard wa hum min ba'd ghalabihim sayaghlibun fi bid' sinin. Donc les Romains ont été vaincus dans le pays tout proche, mais après leur défaite, ils seront vainqueurs dans quelques années. Et quand les Perses avaient gagné la bataille contre les Romains, dans un premier temps, les mécréants et les associatres étaient heureux de cette victoire, parce qu'ils sont comme eux, les Perses c'était des mouchriquines, des païens, et les Romains c'était des gens du livre, et ça a attristé les croyants. Et là, Allah Azza wa Jalla, dans Sourate Rum, dans son début, il annonce la bonne nouvelle aux croyants, que ceux qui sont les plus proches d'eux, les gens du livre, allaient vaincre en laps de quelque temps. Et les savants, ils disent que les Romains ont gagné après 8 ou 9 ans, en tout cas moins de 10 ans, après la révélation de ces versets. Donc ça, c'est quelque chose dont l'Azija informe et qui se passe après quelques années. Il y a des choses qui se sont passées le lendemain. Yani, l'imam Ibn Kathir va la citer, je vais en parler quand il va la citer. Également, il a dit, Allah Azza wa Jal a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, yani, afwan, le prophète alayhi wa sallam a informé son peuple, sa tribu, et tous ceux qui étaient avec lui dans Shi'b. Vous vous rappelez, yani, cet embargo qui a été pratiqué par Kuffar Quraysh sur la famille du prophète alayhi wa sallam, les Banu Hashim. Et ils les ont boycottés, et ils ont interdit toute transaction, même mariage avec eux. Et c'était dans Shi'bu Abi Talib. Yani l'endroit dans lequel il y avait les maisons de Abu Talib. Et ça a duré 3 ans. Ensuite, Nabi Issa salam a informé les gens qui étaient avec lui de ces termites, l'arada, qui avaient mangé la feuille sur laquelle était marqué l'accord qui a été fait entre les mécréants de Quraysh contre le prophète et tous ceux qui sont avec lui. Et que ça a mangé la totalité de ce qui est écrit, excepté le nom d'Allah. Et effectivement, quand ils ont regardé cette feuille, ils l'ont sortie après l'arrêt de cet embargo. Ils ont constaté effectivement ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, il s'est avéré vrai, exactement comme il a informé sallallahu alayhi wa sallam. Et le jour de Badr également, ça c'est quelque chose qu'on a vu, le jour de la bataille de Badr, avant la bataille, la veille, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il faisait une balade dans l'endroit dans lequel allait se passer la bataille. Et il leur disait, chaque tête des mécréants, il le citait par son nom, il disait c'est ici qu'il allait se faire tuer. Et il les a cités tous. Et effectivement, après la fin de la bataille, ils ont regardé et ils ont trouvé que chacun était tué à l'endroit exact où le Nabi alayhi salam avait dit. Ça, c'est rapporté dans l'authentique de l'imam Muslim. C'est rapporté dans l'authentique de l'imam Muslim. Donc ça, ça fait partie des choses dans desquelles le Nabi alayhi salam a informé. Aujourd'hui, le lendemain, ça se passe. Il y a des choses, ça se passe après quelques années. Il y a des choses qui se sont passées après sa mort. Et on va en voir. Ensuite, l'imam Ibn Kathir a cité les trésors de Kisra et de Qaisar. Kisra, c'est l'empereur des Perses. L'empereur des Perses. Et Qaisar, c'est le roi des Romains, qui s'appelle César. Yani César, c'est son titre, c'est pas son nom. C'est le titre. Yani toute personne qui dirige les Romains, qui est leur roi, il s'appelle César. Qaisar. Et Qaisar, qui était à l'époque du prophète, il s'appelle Héracle. Ça, c'est son nom. Kisra également, c'est un titre. Et on avait vu ce point que le Négus également, c'est un titre. Et que le nom de Najashi, c'est Asmaha, radiallahu anhu, qu'il est entré dans l'islam. Donc, par rapport à Kisra et Qaisar, Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur a informé les compagnons que ils allaient prendre possession de leur trésor à ces deux empereurs, qui étaient les deux forces les plus grandes sur terre à cette époque-là. Et ça s'est passé comme il a dit, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Et il a informé, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, que le royaume de sa, yani, que les terres dominées par sa communauté vont être en longueur sur la terre. En longueur. Si vous regardez la carte du monde, vous allez trouver que les pays de l'islam, ils sont en, si on regarde comme ça, on va dire ils sont en longueur. En longueur, c'est comme ça que c'est cité dans les textes. Yani, si vous prenez le pôle nord et le pôle sud, vous trouvez que les pays de l'islam, ils forment comme un trait horizontal, comme un trait horizontal. Et ça, Nabi alayhi salam avait informé de ça avant l'expansion des pays de l'islam. Il a dit Inna Allah zawaliya al-ard fara'aytu masharikaha wa magharibaha wa ra'aytu anna mulka ummati yablughu ma zawiya li minha. Donc Allah azza wa jall a plié pour lui la terre et l'a réuni devant lui jusqu'à ce qu'il a vu l'est et l'ouest. Il a vu que les terres de sa communauté vont atteindre tout ce qui a été plié pour lui de la terre, ni de l'est à l'ouest. Et il a informé également, alayhi salatu wassalam, qu'il n'arrivera pas à la fin des temps jusqu'à ce que sa communauté combattra des gens qui ont des yeux tout petits et qui ont également des nez petits et aplatis. Et leurs visages, ils sont semblables à des armatures couvertes. كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْمِجَانُ الْمُطْرَقَةَ كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُ الْمُطْرَقَةَ الْمَجَانُ أَوْ الْمِجَانُ. Ce que je connais, c'est le Mijan, mais ici c'est marqué le Majan. Et j'ai pas vérifié. En tout cas, leurs visages, ils sont comme des protections du combattant, les protections que prend le combattant dans sa main, couverte en peau. Et ça, comme il a dit l'imam Ibn Kathir, c'est la description des Tatars. Et effectivement, ça s'est passé comme ça. Les musulmans ont combattu les Tatars. Il a informé, alayhi salatu wassalam, que son petit-fils, Al-Hassan ibn Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhuma, allait réconcilier entre deux grands partis des musulmans, que les musulmans vont se diviser en deux grandes parties. Et c'est lui qui va être la cause de la réconciliation entre ces deux clans parmi les musulmans. Effectivement, ça s'est passé comme il a dit, alayhi salatu wassalam. Et cette année dans laquelle il a réconcilié, alayhi salatu wassalam, radiallahu anhu, entre ces deux grands groupes, ces deux grandes parties des musulmans, ça s'est appelé Amul Jama'a, l'année du groupe dans lequel il y a eu la réconciliation. Il a informé également, alayhi salatu wassalam, des combats qui allaient se dérouler contre les Khawarij. Il a même décrit le Khawarij et il a décrit un homme parmi le Khawarij qui va être tué par ceux qui sont avec les compagnons radiallahu anhu et qui sont avec Ali radiallahu anhu. Un homme, il l'a décrit, il a dit, il l'a appelé Dhu al-Thudayyah. Dhu al-Thudayyah. Cet homme, il s'appelle Hurqus ibn Zuhayr al-Bajali. Il fait partie des Khawarij qui se sont rebellés contre Ali radiallahu anhu. Et cet homme, il était noir, extrêmement noir de peau, et il avait tout le temps une très très mauvaise odeur, et sa main était petite. Il avait une petite main. Et de l'autre côté, il avait l'épaule, mais il n'avait pas de bras. Il avait également seulement l'épaule et pas de bras. Et à la tête de son épaule, il y avait yani comme un téton. Le téton du sein, il avait comme ça à l'extrémité de son épaule dans laquelle il n'y avait pas de bras. Et autour de ce bout de chair qui ressemble à un téton, il y avait des poils blancs. Nabi Isa Salam a décrit cet homme. Il a dit que les croyants allaient combattre le Khawarij et allaient les tuer, et parmi ceux qui vont tuer, ils vont tuer cet homme-là. Et il a décrit, avec une description précise. Et effectivement, Ali radiallahu anhu, qui a combattu le Khawarij le jour de Nahrawan, il a demandé à ses soldats de chercher cet homme parmi ceux qui ont été tués parmi le Khawarij. Et dans un premier temps, ils ne l'ont pas trouvé. Il leur a dit de continuer à chercher. Et ils ont continué à chercher jusqu'à ce qu'ils l'ont trouvé avec cette description que Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam leur a donnée. Et là, Ali radiallahu anhu s'est prosterné par remerciement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et que ce que Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam a dit a été vérifié. Donc il a remercié Allah parce que ce que Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam a dit c'est concrétisé, il l'a vu de lui-même, et ça bien évidemment quand tu vois des choses comme ça, ça augmente ta foi. Et également il a remercié Allah parce qu'il a combattu le Khawarij et il savait tous les textes sur le mérite de combattre le Khawarij radiallahu anhu, Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu. Le Khawarij, leur tête, et le premier d'entre eux, c'est celui qui s'est rebellé contre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui s'appelle Dhul Khuwaysira At-Tamimi, un homme qui avait une apparence dure, qui avait la tête rasée, et qui avait le rida, la partie inférieure de son vêtement, qui montait, yani d'une manière qui attire le regard. On sait que sunna, c'est jusqu'à la mi-jambe, et c'est autorisé jusqu'à la cheville. Faut pas toucher la cheville. Mais lui, yani, il avait une apparence qui montre une dureté. Et cet homme s'est rebellé contre le Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. C'est pour ça le Khuruj, c'est pas forcément avec l'épée. Les pires des Khawarij, ils sortent jamais avec l'épée. Mais ils font sortir les gens et eux, ils restent chez eux tranquilles. Ça, c'est les pires que Salaf appelait Al-Qa'ada parmi le Khawarij. Ça, c'est les pires des Khawarij. Ils te poussent à aller participer dans les batailles qui ne sont pas légiférées, dans les combats qui ne sont pas légiférés, tels que combattre avec Al-Qa'ida, avec Daesh, avec Jabhat Nusra, ainsi de suite. Et lui, il reste chez lui. Il te motive, il te dit, c'est le paradis, c'est le Hur, l'Ain. Et toi, tu veux pas tout ça? Normalement, tu dois être le premier à sortir. On a vu comment Nabi Issa Salam, il était. Quand il rencontrait l'ennemi, il était dans la première rangée de l'armée, il était lui, alayhi salatu wassalam. Et ça, les salafs, ils les appelaient Akhbathul Khawarij. Les pires des Khawarij. Parce qu'au moins, les autres qui sortent, qui appellent et qui sortent, c'est des Khawarij, c'est des égarés, mais au moins, ils sont sincères dans leur égarement. Ceux-là, ils sont même pas sincères dans leur égarement. Donc, le Khuruj, s'insurger contre le gouverneur, c'est pas forcément avec l'épée. Naam, ça peut être avec l'épée, mais ça peut être également avec la parole. Alors, il faut faire attention à ce que tu dis de ton gouverneur musulman et de tous les gouverneurs musulmans. Et comme il disait l'imam Al-Albani rahimahullah, ce qui est étrange et étonnant, c'est que les gens vont se préoccuper de choses qu'ils ne peuvent jamais réformer par eux-mêmes. Ils délaissent les choses qu'ils doivent réformer eux-mêmes. Ils délaissent la réforme de son foyer, de sa femme, de ses enfants, et les péchés, ils sont à la maison, matin et soir, et ils parlent du gouverneur, oui, il a pas fait ça, il a fait ça. Ça démontre que cette personne est leurrée par Shaitan. Et beaucoup de ceux qui appellent au Khuruj et à renverser le gouverneur musulman, tu trouves qu'ils n'appliquent même pas l'islam sur eux-mêmes, ni sur les membres de leur famille. Comment ils vont l'appliquer sur la Umma? Ils ne cherchent qu'à arriver au pouvoir. Et c'est pour ça, l'un d'entre eux, quand il arrive au pouvoir, tu l'entends dire, aujourd'hui, nous allons juger avec la démocratie. On va juger avec la mécréance. Et ils disent clairement, nous n'allons pas appliquer la charia. La législation d'Allah, on ne va pas l'appliquer. Ou au moins, il dit, nous allons l'adapter. Tout ça, c'est des mécréances. La loi d'Allah a besoin d'être adaptée. Elle est déjà adaptée à toute époque. Et tout endroit sur terre, elle est valable jusqu'à la fin des temps. Et on y trouvera des solutions pour tous les problèmes jusqu'à la fin des temps. Nabi Issa salam a informé également que Ammar ibn Yasir radiallahu anhu sera tué par le groupe transgresseur. Et effectivement, il a été tué le jour de Siffin. Il était aux côtés de Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu. Il était aux côtés de Ali ibn Abi Talib. Mais les savants précisent que le groupe transgresseur, c'est pas les adversaires de Ali ibn Abi Talib, mais c'est une partie de l'autre armée. C'est une partie de l'autre armée dans laquelle se sont infiltrés des suiveurs de Abdullah ibn Saba. Celui qui est à la tête de Rafida, un juif qui est entré dans l'islam pour égarer les musulmans. Et c'est lui qui a donné lieu, qui a inventé cette secte égarée de Rafida, qui prétend l'amour de la famille du prophète, mais qui cache la mécréance. Donc c'est eux qui ont tué Ammar, radiallahu anhu. C'est eux qui ont tué Ammar radiallahu anhu. Nabi Issa salam a informé également d'un feu qui allait sortir de l'Hijaz, péninsule arabique. On va dire la péninsule arabique pour simplifier. Mais l'Hijaz, c'est la région de Mecca et Medina. Ce qui est entre ces deux villes. Cette zone-là de la péninsule arabique. C'est-à-dire la moitié ouest de la péninsule arabique. Donc Nabi Aïssa a informé d'un feu qui allait commencer de l'Hijaz et qui va éclairer les coups des chameaux dans la ville de Bousra qui se trouve dans Cham. Cham, c'est la Syrie, le Liban, la Palestine, tout ça. Et ça s'est produit également comme il a informé alayhi salatu wassalam. Ça s'est produit comme il a informé. Ça s'est rapporté dans les deux authentiques. Ça a eu lieu, ce feu est apparu dans le sixième siècle de l'Hégire. Le septième siècle. 650 et quelques de l'Hégire, ce feu est apparu, et effectivement, les gens se sont éclairés pendant toute la période pendant laquelle il a duré ce feu, rien qu'avec la lumière de ce feu, alors que ce feu, il est où? Il est dans la péninsule arabique. Et ils se sont éclairés avec dans la région de Cham. Imam al-Kathir, dans le Bidaya wa Nihaya, il a parlé de ce point en détail, parce que c'était proche de son époque. Imam al-Kathir est décédé dans le 8e siècle. Et ça, c'était dans le 7e siècle. Donc, il a eu des récits rapportés de savants, de confiance, qui ont assisté à cet événement. C'est pour ça qu'il a cité beaucoup de choses par rapport à ça dans son livre, le Bidaya wa Nihaya. Ibn Abi Aïssa a informé de beaucoup de choses qui allaient se passer avant l'arrivée de la fin des temps. L'heure de la fin des temps, yani, et ce qui a été cité est suffisant, il dit, rahimallah. Ensuite, il est passé à une autre catégorie de signes avec laquelle il a terminé ce chapitre, qui est une catégorie également importante. C'est les annonces de l'arrivée du prophète alayhi salatu wassalam dans les livres qui ont précédé le Coran, la Torah et l'Évangile. La Torah et l'Évangile. L'Ancien et le Nouveau Testament. Comme disent les chrétiens. Par contre, les juifs ne reconnaissent pas le Nouveau Testament. Donc, ce qui a été rapporté dans les livres. Et là, l'imam Ibn Kathir, il va aller dans la Torah. Il va rapporter des récits de la Torah et de l'Évangile. Et ça, pour un savant, l'imam Ibn Kathir, il faut savoir que c'est un très très grand savant. Et dans Cham, il y avait beaucoup de Nasara. Et parmi ce qu'il a dit, il a dit qu'il avait étudié la religion chrétienne pour réfuter les égarements des gens et les appeler à l'islam de cette manière, avec cette bonne intention, et pour quelqu'un qui a le niveau de l'imam Ibn Kathir. C'est pas n'importe qui va s'aventurer dans ces choses-là. Quelqu'un, il va pour réfuter leurs ambiguïtés, il attrape lui-même les ambiguïtés. Il n'arrive pas à s'en sortir. Ça, c'est pour quelqu'un qui a maîtrisé la vérité. Parce que la méthodologie juste, c'est de connaître le haq, ensuite de connaître les ambiguïtés et comment on les réfute. Et pas l'inverse. Commencer par les ambiguïtés. Quelqu'un qui ne maîtrise pas encore le haq, il n'a pas à aller sur le terrain des ambiguïtés. Pour ça, les savants, ils disent, celui qui n'a pas étudié Kitab Tawhid, il ne doit pas étudier que Shubuhat. Il faut déjà qu'il connaisse et qu'il maîtrise la vérité avant de connaître les égarements et comment les réfuter. Donc, dans les livres précédents, il y a des textes qui annoncent l'arrivée de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit dans la Torah ou dans l'Évangile. Et comme Allah azza wa jalla nous a rapporté de Isa alayhi salam, il a dit « Wa mubashiran bi rasuli yati min ba'di yasmuhu Ahmad » Afin, des fois, je lis Warj, des fois Hafs. J'essaie de lire toujours avec Hafs, car le livre, il est fait en Hafs. Et j'ai entendu de Cheikh Ubaid que l'adab, c'est de lire le Coran avec la riwaya ou avec le qira'a, avec laquelle l'auteur l'a écrit. Donc des fois, ça me, les Marocains, ils lisent Warsh, et des fois, je fais pas attention. Donc ça, je sais que ça m'est arrivé dans plusieurs endroits où je veux lire Warsh, je veux lire Hafs, et ce qui va sortir, c'est Warsh. Donc Allah Azza wa Jalla dit « وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدٍ » et annonciateur d'un messager qui viendra après moi qui s'appelle Ahmed. Ça, c'est parmi les noms, les prénoms du prophète alayhi salam. Donc Isa alayhi salam a informé de l'arrivée de Muhammad alayhi salam. Et ça, on l'a pris de le Coran. Donc on a la certitude que c'est dans leur livre, même s'ils l'ont falsifié. Même si ça n'existe pas aujourd'hui. C'est qu'ils ont dû retirer ces choses-là. Également, c'est rapporté dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, selon Abdullah ibn Amr. Il a dit, j'ai trouvé la description du prophète alayhi salam dans la Torah. Et il l'a cité. L'imam ibn Kathir, il s'est limité à ça. Ça, c'est rapporté dans le Bukhari. Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhu, c'était connu un sahabi qui fréquentait des gens du livre. C'est pour ça qu'il a rapporté d'eux pas mal de choses. Et parmi ce qu'il a rapporté, comme ce hadith est rapporté dans l'authentique du Bukhari, la description du prophète alayhi sallam dans la Torah. Et je vais vous la lire, en l'apprenant de l'authentique de l'imam al-Bukhari. Il a dit, Abdullah ibn Amr, radiyallahu anhuma, il a dit, sa description dans la Torah, « Ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira. Ô toi prophète, nous t'avons envoyé comme témoin et annonciateur et avertisseur, annonciateur de bonnes nouvelles et avertisseur contre le châtiment. Wa hirzan lil ummiyin, et protection pour les analphabètes, les arabes. Anta abdi wa rasuli, sammaytuka al-mutawakkil, t'es mon serviteur et mon messager, je t'ai nommé al-mutawakkil, celui qui place sa confiance en Allah totalement et qui s'en remet à lui, subhanahu wa ta'ala. Laysa bifadhin, wala ghalidhin, wala sakhabin fil aswaq. Tu n'es pas, yani, grossier, tu n'as pas de mauvais comportement, ni rude, et tu ne cries pas dans les marchés, dans sauts. Et tu ne rencontres pas le mal avec le mal. ولكن يعفو ويغفر متبسو et tu pardonnes. ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء. Et Allah ne prendra pas son âme jusqu'à réformer avec lui la religion ou la voie tordue. يعني après toutes les falsifications. بأن يقول لا إله إلا الله en disant « La ilaha illallah ». C'est ça la réforme, avec tawhid. وَيَفْتَحَ أَعْيُنًا عُمْيًا وَآذَانًا صُمًّا وَقُلُوبًا غُلْفًا. Allah Azza wa Jalla permettra avec ce messager d'ouvrir des yeux qui se sont aveuglés et des oreilles sourdes et des cœurs enveloppés auxquels la vérité n'arrive pas. Ça, c'est rapporté dans l'authentique de l'imam al-Bukhari. Et dans la Torah d'aujourd'hui, il parle de son époque déjà l'imam ibn Kathir, que les juifs reconnaissent que c'est un livre authentique et c'est le premier testament qui a été révélé de la part d'Allah. Dans cette Torah, malgré qu'on sait qu'elle est falsifiée, qu'ils ont entre les mains, il y a déjà marqué qu'Allah Azza wa Jalla s'est adressé à Ibrahim alayhi salam et il lui a dit dans le sens lève-toi et marche sur terre de largeur comme de longueur en vénérant ton fils. Et c'est connu que aucun des fils de Ibrahim alayhi salam n'a dominé la terre, yani de l'est jusqu'à l'ouest, que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comme ceci a été rapporté dans le hadith que je vous ai cité précédemment. Allah Azza wa Jal a réuni devant lui la terre de l'est jusqu'à l'ouest. Et il a vu les deux extrémités de la terre. Il a vu que les territoires de sa communauté vont englober toute cette partie qui a été réunie, pliée devant lui, sallallahu alayhi wa sallam. Également, il dit dans la Torah, il y a marqué que Allah Azza wa Jalla s'est adressé à Ibrahim, il lui a dit, ton fils Ishaq, yani de Ishaq, t'auras une descendance. Par contre, Ismaïl, je l'ai béni et j'ai fait de sa descendance comme les étoiles dans le ciel. Et une descendance beaucoup plus abondante que la descendance de Ishaq, qui sont les Juifs, et la descendance de Ismaïl, qui sont les Arabes. Si vous voyez le nombre aujourd'hui, vous voyez que c'est juste ce qui est dit ici. Que Allah Azza wa Jal a élevé le rang du descendant de Ismaïl, qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et dans la Torah, toujours dans la Torah, dans le quatrième volume, il dit ici, quatrième volume ou la quatrième chapitre. Non, c'est plutôt quatrième chapitre. La Torah, c'est un seul volume. D'accord. Là, le mot qui est utilisé, il peut admettre les deux. Donc, dans la Torah, il est marqué, en parlant du prophète, alayhi salam, un prophète comme toi, ô Moussa, à qui je révélerai mes paroles. Et ça, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah lui a révélé sa parole, le Coran. Et également, avec il a cité une dernière chose concernant la Torah, dans le cinquième chapitre, le dernier, et c'est avec cette parole qu'il a été bouclé, ce dernier chapitre, Allah azzawajal a dit que Allah azzawajal est venu de Sayna et de Sa'ir. Il est venu de Sayna. Sayna, c'est en Égypte, dans laquelle il y a la montagne de Tor. La montagne de Tor. Et qu'il a rayonné, Allah est venu de Sayna. Il a rayonné de Sa'ir. Sa'ir, c'est la montagne sur laquelle est né Isa alayhi salam. Il a été envoyé comme prophète et messager de cette montagne qui s'appelle Sa'ir. Wasta'la min jibali Faran. Et qu'il s'est élevé au-dessus des montagnes de Faran. C'est comme ça que c'est marqué dans la Torah. Et Faran, c'est Mecca, les montagnes de Mecca. Car Allah Azza wa Jalla, dans la Torah, il a ordonné à Ibrahim d'accompagner son fils Ismaïl aux montagnes de Faran. Et ça, c'est Mecca, les montagnes de Mecca. Donc ici, dans cette phrase, dans la Torah, Allah Azza wa Jalla a cité trois lieux, en commençant, yani, par Moussa alayhi salam, ensuite Isa alayhi salam, ensuite Muhammad alayhi salam. Donc il les a classés dans un ordre chronologique. Le premier qui a été envoyé, c'est Moussa, et ensuite Isa, et ensuite Muhammad alayhi salatu wassalam, tous. Mais dans le Coran, les trois endroits également sont cités, mais dans un autre ordre, pas le même. Allah Azza wa Jalla dit wat-tini waz-zaytoun. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. Donc il a cité les trois endroits les mêmes. Allah Azza wa Jalla a juré par le figuier et l'olivier. Et ça, yani le figuier et l'olivier, c'est une indication de l'endroit dans lequel il y avait Isa alayhi salam, la Palestine. وطور سينين. Tour Sinin, c'est la montagne de Tour, c'est Moussa alayhi salam. Wa hadha al-balad al-amin. Yani Tour Sinin, la montagne de Sinaï. Wa hadha al-balad al-amin, Allah a juré par la cité sûre. La cité sûre, c'est Mecca. Ça fait allusion au prophète alayhi salatu wassalam. Mais dans le Coran, vous constatez que l'ordre n'est pas le même. Dans le Coran, il les a cités dans l'ordre de mérite. en commençant par le plus bas jusqu'au plus élevé, jusqu'au plus haut. Ou je ne dis pas le plus bas, je dis en commençant par celui qui a le mérite moindre par rapport aux autres, jusqu'à arriver à celui qui a le plus grand mérite des trois. Donc il a commencé, Allah subhanahu wa ta'ala a commencé par Isa alayhi salam, qui fait partie des cinq ulul azm, les plus déterminés d'entre les messagers. Mais on sait que Moussa alayhi salam, son mérite est plus grand que le mérite de Isa alayhi salam. Et Muhammad sallallahu alayhi salam, également son mérite est plus grand que le mérite de Moussa alayhi salatu wa salam. Mais sinon, les trois font partie de ulul azm, les plus déterminés d'entre les messagers, alayhi salatu wa salam, avec Nuh et Ibrahim. Et les deux meilleurs, c'est Ibrahim et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le meilleur des cinq, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Après Muhammad et Ibrahim, le troisième, c'est Moussa. Et les savants ont divergé sur le quatrième. Beaucoup disent que c'est Nuh, ensuite Isa alayhi salam. Ou l'inverse. Également, même dans Zabour de Daoud, les psaumes de Daoud, alayhi salam, il y a des choses qui indiquent l'arrivée du prophète, alayhi salatu wassalam. Et dans l'évangile, il y a marqué son nom et sa description exactement comme il est. Et le nom par lequel il a été appelé dans l'évangile, c'est le paraclet, al-baraklit, le paraclet. Ça, c'est comme ça qu'il est appelé dans l'évangile. Et même dans les paroles de Ashriya et Armaya, c'est également cité. Et ces paroles-là ont été citées par l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah dans son livre Al-Jawab al-Sahih. Voilà par rapport à ce qui a été cité ici. Je vais terminer ce chapitre au lieu de passer aux enfants du prophète alayhi salam. On va terminer ce chapitre inshallah en vous citant une autre catégorie parmi les signes de la véracité du prophète alayhi salam que l'imam Ibn Kathir n'a pas cité mais qui sont en lien avec les gens du livre. C'est les fois où des gens du livre sont venus interroger le Nabi alayhi salam et lui poser des questions et que les réponses ont été, yani le Nabi alayhi salam les a répondues. Le premier, c'est Abdullah ibn Salam, radiyallahu anhu. Hadith est rapporté par Anas ibn Malik, radiyallahu anhu. Que Abdullah ibn Salam, quand il a entendu le prophète arriver à Médine, il est parti le voir. Il lui a dit, je vais t'interroger sur trois choses, il n'y a qu'un prophète qui peut avoir les réponses. Et Abdullah ibn Salam, c'est un parmi les grands savants de l'Madina. Et un des rares juifs, un parmi les grands savants juifs de l'Madina. Et un des rares juifs qui sont entrés dans l'islam. Dès que le Nabi Al-Islam est arrivé, il est parti le voir, il lui a posé ces trois questions. Les juifs, comme Allah Azzajal les a décrits dans le Coran, ils connaissent le prophète Al-Islam comme ils connaissent leurs enfants. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Tellement Allah Azzajal l'a décrit dans leur livre, yani la Torah, d'une manière parfaite. Donc, Abdullah ibn Salam, il a dit au prophète alayhi salam, je vais te poser trois questions dont il ne connaît la réponse qu'un prophète. Il lui a dit, quel est le premier signe de la fin des temps? Quelle est la première nourriture des gens du paradis? Et quelle est l'explication de la ressemblance de l'enfant à son père ou à sa mère? Le Nabi alayhi salam lui a dit, Jibril m'a informé de la réponse de ces questions. Jibril m'a informé de la réponse de ces questions. Là, Abdullah ibn Salam, radiyallahu anhu, il a dit, Jibril, c'est l'ennemi des juifs parmi les anges. Comme Allah a dit dans Sourate al-Baqarah. Et ensuite, il lui a répondu. Il lui a dit, le premier signe de la fin des temps, c'est un feu qui sortira de l'est jusqu'à l'ouest et qui va rassembler les gens pour le rassemblement. Il lui a dit, la première nourriture que mangeront les gens du paradis, c'est une partie du foie du poisson. C'est le foie, si vous voyez le foie, comment il est, vous voyez qu'il y a une petite partie, une extension. Ça s'appelle ziyada. Ziyada, comme une extension dans le foie. C'est cette petite partie que les gens du paradis vont manger en premier. C'est la première chose qu'ils vont manger, une partie du foie du poisson. Et par rapport à la ressemblance à son père ou son mère, Nabi Asselam lui a dit, quand l'homme, il a des rapports avec son épouse, la ressemblance est due au liquide séminal qui arrive le premier. Si c'est celui de l'homme, alors la ressemblance sera au père. Si c'est celui de la femme, la ressemblance sera à la mère. Là, Abdullah ibn Salam, il a dit, je témoigne que t'es le messager d'Allah. Et là, cette histoire, je vous l'avais racontée dans Sira, quand on a parlé de ça. Abdullah ibn Salam, radiyallahu anhu, il a dit au prophète, n'informe pas les juifs tout de suite de mon entrée dans l'islam. Ne les informe pas de mon entrée dans l'islam, car c'est des gens, c'est des menteurs. S'ils savent que je suis devenu musulman, ils vont dire des mensonges de moi. Et les juifs sont venus voir Nabi Isa salam, et Abdullah ibn Salam est entré chez lui. Il est entré à la maison. Et Nabi Isa salam les a interrogés. Il leur a dit, qu'est-ce que vous dites de Abdullah ibn Salam? Il est comment parmi vous? Ils ont dit, c'est le plus grand savant parmi nous, fils du plus grand savant parmi nous. C'est celui qui connaît le mieux parmi nous, fils de celui qui connaissait le mieux parmi nous. Il leur a dit, le prophète, vous savez, si jamais il entre dans l'islam, qu'est-ce que vous allez dire? Ils ont dit, nous cherchons refuge auprès d'Allah, qu'il fasse ça. Et ensuite, Abdullah ibn Salam est sorti, radiyallahu anhu. Il a dit, ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammad al-Rasulullah. Ils ont dit tout de suite, il est le pire d'entre nous, fils du pire d'entre nous, et ils l'ont insulté beaucoup. Hadith est rapporté dans l'authentique de l'imam al-Bukhari. Un deuxième hadith du même genre, selon Thawban, radiyallahu anhu. Thawban, qui était au service du prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, j'étais chez le prophète, alayhi salatu wassalam, au moment où un savant juif est venu, et il a dit, salamu alayka ya Muhammad. Et Thawban, il l'a poussé au point, il a failli le tuer. Il lui a dit, ce juif, pourquoi tu m'as poussé comme ça? Il lui a dit, pourquoi tu dis pas au messager d'Allah? Pourquoi tu dis au Muhammad? Le juif a répondu en disant, on l'appelle avec son prénom, avec lequel l'ont appelé sa famille. Nabi Isa salam, regardez la modestie, il a dit, oui, mon prénom c'est Muhammad, c'est ainsi que m'ont appelé ma famille. C'est-à-dire, il a accepté ça de lui. Le juif a dit, je suis venu t'interroger. Nabi Isa salam lui a dit, si je te réponds, est-ce que ça te sera bénéfique? Le juif a dit, j'écouterai. Il a dit, je te garantis rien, mais j'écouterai tout simplement. Et après, je verrai. Nabi Isa salam lui a dit, vas-y, pose ta question. Le juif a dit, où est-ce qu'ils vont être les gens quand la terre sera changée en une autre terre et les cieux également? Nabi Isa salam a dit, ils seront dans la noirceur avant le pont. Le pont, c'est Sirat. Le pont qui est sur le feu de l'enfer et que tout le monde traversera pour arriver au paradis. Tous, on le traversera. Mais après, les gens, ils le traversent. Tous, on doit le traverser, qu'Allah nous facilite de le traverser. Ce pont qui est plus fin que le cheveu, plus aiguisé que l'épée. Ce jour-là, même les prophètes, ils diront, nafsi, nafsi, ma personne, ma personne. excepté Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui dira ma communauté, ma communauté. Ce jour très dur où tout le monde doit traverser ce pont qui est dressé sur le feu. Et le feu de l'enfer, c'est un trou. C'est une fossée très profonde. Tu jettes une pierre du haut, ça met 70 ans pour arriver au fond. Et plus, ils descendent, plus c'est dur, et plus le châtiment est douloureux. Et tout le monde doit traverser ce pont qui est plus fin qu'un cheveu et plus aiguisé qu'une épée. Et en plus, il est glissant. Et le feu de l'enfer a des crochets. Des crochets en feu avec lesquels il attrape les gens par-dessus ce pont. Et il les fait tomber dedans. Ceux qui sont voués au châtiment. Il y a des gens qui vont traverser ce pont comme l'éclair. Il y a des gens qui vont le traverser comme un homme à deux cheval. Et des gens qui vont le traverser en courant. Et des gens qui vont le traverser en marchant. Et des gens qui vont piétiner petit à petit jusqu'à le traverser. Et le dernier qui va le traverser, un homme, à chaque fois, il s'avance, fait un pas, il est à deux doigts de tomber, il s'accroche, il essaye, et il va continuer jusqu'à traverser ce pont. Quand il va le traverser, il va se lever, il va se prosterner devant, pour Allah subhanahu wa ta'ala, il va louer Allah, et il verra qu'Allah lui a accordé une ni'ma, qu'il n'a pas accordé à personne en dehors de lui. Et c'est le dernier homme qui sera sauvé du feu de l'enfer. Et ce jour-là également, tout le monde est dans le noir. Comme a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Où est-ce qu'ils seront? Ils seront dans la noirceur, dans les ténèbres. Chacun a sa propre lumière. Il y en a qui vont avoir la lumière yani totale et complète, une lumière complète, comme Allah dit dans Sourate Al-Hadid. Et cet homme, le dernier à traverser, il aura une petite lumière dans son orteil. Et le munafiqin, quand ils vont voir la lumière des croyants, ils vont leur demander de partager avec eux leur lumière. Et Allah mettra un mur de séparation entre les deux. D'un côté, la miséricorde et la rahma pour les croyants, et de l'autre côté, le châtiment pour le munafiqin. Qu'Allah nous préserve de son châtiment. Qu'Allah fasse qu'on soit parmi ceux qui traversent le pont. Qu'Allah nous sauve dans cette dunya et dans l'akhirah. Et la vitesse à laquelle tu traverses le pont, c'est pas un effort que tu vas faire ce jour-là. La vitesse à laquelle tu traverses ce pont, c'est selon comment tu le traversais dans la dunya. Car il y a deux ponts. Il y a un pont dans la dunya, il y a un pont dans l'akhira. As-sirat dans la dunya, c'est la religion d'Allah. Plus tu es attaché à ta religion, en commençant par tawhid, et plus tu donnes d'importance à la sunna, plus vite tu vas traverser ce pont. Et inversement, al-iyadu billah. Donc ça, c'était la première question de ce juif. Ensuite, il a dit au prophète, c'est qui les premiers gens qui vont traverser le pont? Il a dit, les pauvres parmi les muhajirin. Les pauvres parmi les immigrés. Ensuite, le juif a dit, qu'est-ce qu'ils vont manger? Dès leur entrée au paradis. Nabi a répondu de la même manière, il a dit, cette extension du foie, du poisson. Et ensuite, il a dit, ce juif, quel est leur repas? Ça, c'est comme une entrée. Qu'est-ce qu'ils vont manger ensuite? Il a dit, يُنْحَرُ لَهُمْ ثَوْرُ الْجَنَّةِ. Il sera tué pour eux le veau du paradis, qui mange du paradis. Il a dit, quelle est leur boisson? Il a dit, ils boiront d'une source qui s'appelle Salsabila. Le juif a dit, Sadaqt, t'as dit vrai. Il lui a dit, je suis venu également t'interroger sur une chose que ne connaît personne parmi les gens de la terre, excepté un prophète ou un homme ou deux. Il lui a dit, alayhi salatu wassalam, si je t'informe, ça te sera bénéfique? Il a dit, je verrai, j'écoute et je verrai par la suite. Il lui a dit, je suis venu t'interroger sur l'enfant. Yani, il lui a posé la même question sur la ressemblance. Nabi alayhi salam lui a dit, le liquide séminal de l'homme est blanc et le liquide séminal de la femme est jaune. Quand ils se réunissent suite à une relation, si c'est le liquide séminal de l'homme qui est le plus haut, alors ça sera un garçon. Et si c'est le liquide séminal de la femme qui est le plus haut, alors ça sera une fille. Ça, c'est par rapport au sexe. Et le premier hadith, c'est par rapport à la ressemblance. Celui qui arrive le premier à l'ovule. Et là, c'est celui qui domine l'autre et qui est plus haut. Le juif a dit, t'as dit vrai. Il est parti. Ensuite, Nabi alayhi salam a dit à Thauban radiallahu anhu, lui a dit, il m'a interrogé sur des choses dont je n'avais aucune connaissance. Jusqu'au moment où il m'a posé la question, Allah m'a donné la science de ces choses-là. Et on termine avec un autre hadith, le dernier, selon Safwan ibn Assal radiallahu anhu. Un juif est venu voir Nabi alayhi salam. Le hadith que je viens de vous citer, il est rapporté dans l'authentique de l'imam muslim, de Thauban. Et on termine avec un hadith rapporté par Tirmidhi, Nasa'i, l'imam Ahmad dans le Musnad, et l'Hakim dans le Mustadrak. Et c'est un hadith authentique, qui a été authentifié par l'imam Zahabi. Donc, un juif est venu voir son ami juif, il a dit, on va voir le prophète alayhi salam. On va voir le prophète. Il a dit comme ça. Bien sûr, il n'a pas dit alayhi salatu wassalam. Et l'autre juif, il a dit, ne dis pas prophète. Si quelqu'un t'entend, yani, c'est comme si tu reconnaissais sa prophétie. Et ils sont allés le voir. Et ils lui ont posé la question sur 9 signes clairs et évidents. Et Nabi alayhi salam leur a dit, n'associez rien à Allah, ne volez pas, ne forniquez pas, ne tuez pas l'âme qu'Allah interdit, sauf avec son droit, et ne témoignez pas contre un innocent devant un gouverneur pour qu'il le tue, et ni le faux témoignage, et ne faites pas de sorcellerie, et ne mangez pas de riba, l'usure, et ne faites pas de qadf à l'égard d'une muhsana. Ne faites pas de qadf, yani, d'une personne chaste. Yani, c'est cité femme, mais les savants, ils précisent que c'est l'homme et la femme. Les femmes, parce que le plus souvent, c'est pratiqué sur les femmes, le qadf. Wal'iyadu billah, qu'Allah nous en préserve. Qadf, c'est accuser un croyant avec zina. Un croyant chaste. C'est-à-dire pas quelqu'un qui est connu pour faire zina d'une manière, tout le monde sait, Hada non. Hada, il n'est pas autorisé de dire de lui qu'il est fornicateur. Lui également. Mais si jamais tu le fais, alors ça s'appelle pas un qadf. mais c'est quelque chose qui n'est pas autorisé, et tu subiras un ta'zir, une correction de la part du juge, et non pas un had. Parce que quand tu subis un had, wal'iyadhu billah, c'est le fisq. La personne devient une personne déviante, dont le témoignage n'est pas accepté, et une personne qui est décrite par le mensonge. Et c'est un menteur. Mais quand c'est une personne qui n'est pas chaste, c'est-à-dire, elle parle ouvertement, tout le monde sait qu'elle fait zina, il n'est pas autorisé de dire d'elle qu'elle est ni dans la fornication, sauf avec les quatre témoins oculaires. Mais si jamais quelqu'un le fait, alors il sera corrigé par le gouverneur, il décidera un châtiment adéquat à sa situation. Mais il ne lui appliquera pas la sentence religieuse. Voilà tuwallu al-firara yawm az-zahf. Et la huitième, donc on a cité sept, la huitième, c'est de ne pas fuir quand les deux armées se rencontrent, l'armée des musulmans avec l'armée des mécréants. De ne pas fuir, yani dans le combat, dans le sentier d'Allah. Et il lui a dit, et pour vous les juifs, en particulier, ne transgressez pas pendant le samedi. Car c'était une journée sacrée pour eux. Quand il leur a dit ça, ils ont embrassé sa main et ses pieds, alayhi salatu wassalam. Et ils ont dit, ne témoignez que t'es un vrai messager. Nabi alayhi salatu wassalam leur a dit, qu'est-ce qui vous empêche de me suivre? Ils ont dit, car Daoud a invoqué son Seigneur que la prophétie reste dans sa descendance. Et nous avons peur, si jamais on te suit, que les Juifs nous tuent. Voilà par rapport à aujourd'hui. Dans le cours prochain, là, nous allons commencer à parler de la famille du prophète, de ses serviteurs, de ses épouses, et ainsi de suite, jusqu'à finir. Hayyakum Allah, سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.